Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter cette risala. Il l'a écrit Jérôme l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, pendant la fitna des Tatars. هذا العدو المجرم qui a envahi plusieurs pays de musulmans à Tatar. Jérôme l'Islam, il a écrit cette risala pour motiver les musulmans. Il a écrit cette risala pour montrer anna ما وقع لهم اي ce qui est arrivé à l'époque de Cheikh al-Islam, c'est arrivé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Wa nahnu cette épreuve qu'on vit ma'a haoula al-arfad al-khubat al-dullal fa min hadha al-bab min hadha al-bab anna Allah subhanahu wa ta'ala il éprouve ses ibad, il éprouve ahl al-haq bi haoula al-mujrimin fa min al-muhim ayyuha al-talib fi hadha al-hal c'est que tu saches comment le prophète alayhi salatu salam s'est comporté. Tu saches an Allah subhanahu wa ta'ala yansur ibada. Fi hadha al-hal ayyuha al-talib, tu dois placer ta confiance en Allah azza wa jalla wahda. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Une suite de cours donnée par le frère Mounir El-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Dammaj au Yémen. Cours numéro 1. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihi Allahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد نبدأ في هذا اليوم في قراءة هذه الرسالة رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نصيحة للمسلمين في فتنة التتار ونختصر وبعض طلير بإذن الله عز وجل on a choisi des passages فهذا الكلام إلى مهم جدا خاصة في هذا الوقت فالتاريخ يعيد نفسه والعدو كان قديما أو حديثا فقصده محاربة الحق وأهل الحق وصاحب الحق قصده الدفاع عن الدين وعن النفس وعن المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد الحديث فرحم الله هذا الإمام فقد نصح الأمة في هذه الرسالة ست رسالة Il l'a écrit Jérôme l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, pendant la fitna des Tatars. هذا العدو المجرم qui a envahi plusieurs pays de musulmans à Tatar. Jérôme l'Islam, il a écrit cette risala pour motiver les musulmans. Il a écrit cette risala pour montrer anna ما وقع لهم اي ce qui est arrivé à l'époque de Cheikh al-Islam c'est arrivé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam wa nahnu cette épreuve qu'on vit ma'a haoula al-arfad al-khubat al-dullal fa min hadha al-bab min hadha al-bab anna Allah subhanahu wa ta'ala il éprouve ses ibad il éprouve ahl al-haq bi haoula al-mujrimin fa min al-muhim ayyuha al-talib في هذا الحال c'est que tu saches comment le prophète عليه الصلاة والسلام s'est comporté. Tu saches أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده. في هذا الحال أيها الطالب tu dois placer ta confiance en Allah عز وجل وحده. حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن شاء الله نستفيد من هذه الرسالة والله سبحانه وتعالى نسأل التوفيق والسداد. قال شيخ الإسلام هذه الرسالة المذكورة تجدها في مجموع الفتاوى المجلد 28 صفحة 410 إلى 467 مجموع الفتاوى فوليوم 28 باج 410 à باج 467 تتخوف هذه الرسالة. قال الإمام المجاهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على صفوته من خليقته وخيرته من برية محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، لا كمسست رسالة بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، لأن cette نعمة que Cheikh l'Islam il a vécu, نعمة العلم، نعمة الجهاد، نعمة نصرة الحق، tout ça c'est بإذن الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله. قال رحمه الله: فقد صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. والله تعالى يحقق لنا التمام بقوله: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. يكمل cette رسالة avec deux versets من سورة الأحزاب. الخندق، cette غزوة que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vécu. اجتماع المشركين وقريش والعرب، ils ont fait un blocus au prophète عليه الصلاة والسلام. Et Cheikh l'Islam il va baser sa risale, sa nasiha, son conseil sur هذه السورة. Il va citer des versets et il va montrer la relation, la situation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vécu avec la situation que les musulmans ils ont vécu à l'époque des Tatars. Et vous allez voir أن نسكن الآن مع هذا العدو المجرم هؤلاء الروافض. Vous allez voir que ça ressemble جدا. C'est pour vous montrer أن الأعداء هم الأعداء. Ils ont les mêmes assalib. Ils ont le même but. Ils ont les mêmes moyens. فهكذا أنت أيها المسلم أيها المؤمن تقتدي بهذا الحال برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أنت eux leur exemple c'est Al-Mujrimin, Al-Mushriki. Et toi, ton exemple, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. هكذا دائما depuis l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام إلى أن يشاء الله دائما الصراع إلى بين الحق والباطل دائما. Et tu verras que ça se ressemble دائما. Les noms ils changent, les époques elles changent. وربما il y a des choses qui changent, لكن الأصل c'est le même. أهل الباطل يكمبات الحق. قال شيخ الإسلام: فإن هذه الفتنة أي فتنة التتار التي ابتلي بها المسلمون مع هذا العدو المفسد الخارج عن شريعة الإسلام. هذا العدو التتار، تعلمون التتار سان قوم الآن كثير منهم سيد المسلمين، أما على الوقت على الوقت دي شيخ الإسلام ست من أكفر الناس ومن أشر الناس. إذا بين عداوة للإسلام كبيرة. C'est pour ça que Cheikh l'Islam il les a appelés هذا العدو المفسد. قال: قد جرى فيها شبيه مما جرى للمسلمين مع عدوهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغازي التي أنزل الله فيها كتبه وابتلى بها نبيه والمؤمنين. هذا Hada, c'est ce qu'on a cité, vi. C'est ce qu'on a cité, vi, bidayat al-kalam. C'est ce qu'on a cité, vi, bidayat al-kalam. Anna, at-tarikh yu'id nafsa. Ce qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ghazwat al-Khandaq, vous allez voir en ma hasala les chers l'islam avec haoula at-tatar, ça ressemble jidda. Est-ce qu'on vit nahnu l'an ma haoula al-a'da, ça ressemble jidda. Qala chers l'islam, qad jara fiha shabihun, taqaddam, wabtala biha nabiyahu wal mu'minin, mimma huwa uswatun liman kana yarju Allah. واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إلى يوم القيامة. شيخ الإسلام son but الآن c'est de citer ce qui s'est passé à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, faire la relation avec ce qu'ils ont vécu à l'époque des Tatars, حتى تستفيد حتى ما من فتنة ما من حرب مع هؤلاء المشركين. Et tu verras que ça ressemble. الابتلاء c'est l'ibtila. والصبر c'est le صبر. La personne يصبر ويقتدي بي هؤلاء الأخياء الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. قال فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة محمد صلى الله عليه وسلم يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنوي أو بالعموم المعنوي. Ouais, il va te montrer qu'Adalik, ces versets qui sont descendus pendant ces razawat à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque mu'min, s'il peut les appliquer, il les applique. Il a yawm al-qiyam. Aïe, c'est pas réservé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple. Il nous a montré l'exemple, il a vécu ces choses, comme ça c'est valable pour toute la umma. Allez, hada, ces versets qu'il va citer l'an, tu verras que كثير من المسلمين, ils ont vécu hada. وعهود الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تنال آخر هذه الأمة كما نالت أولها. نعم. كذلك vous allez voir, on va lire ces versets avec l'explication de Cheikh l'Islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis la victoire aux croyants. Et هذا c'est valable à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. Tant que le mu'mini, il prend l'exemple du prophète عليه الصلاة والسلام. المؤمنون ils appliquent le tawhid. Tant que les mu'minoun, wa alaykoum salam, ils combattent le sidq wa li'i'la kalimatillahi azza wa jal. Wa man nasru illa min indillah. Qala وعهود الله في كتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة كما نالت أولها. وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا. هذا المسلم الموفق يprend exemple, يستفيد مما حصل قبلنا. C'est pour ça que في هذه الأيام تدبر القرآن c'est مهم جدا, تدبر سيرة السلف c'est مهم جدا, خاصة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن c'est eux tes exemples, le prophète صلى الله عليه وسلم ومن معه. ففي الجهاد il y a un comportement. في الجهاد ça revient toujours les mêmes bases. Un adou qui attaque. ثم أنت ستأتي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تدبرت القرآن, tu verras que le comportement que tu dois avoir. من الصبر والذكر و الجهاد بقدر الاستطاعة والدعاء. Tout ce qui va nous citer l'an, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Hada l'an, c'est le muqaddima qu'on lit, il montre le qasd, il montre le but, limada il a écrit hada. Wa nahnu c'est muhim l'an. C'est muhim anna anta, comme tu prends exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons fi salatik wa aqidatik wa siyamik wa hajjik wa siyamik ila akhirih, kadhalik fi hadhihi al-ayyam ash-shadida. Dans les épreuves, كذلك, c'est eux ta usul. Enfin, l'ibra, c'est pas bilkatra. Abadan. L'ibra, c'est pas bilkatra. C'est pas le nombre qui va faire la différence. L'ibra, c'est pas bilkatra. Fulan il est courageux. C'est pas que ça. Abadan. Al-Ibra, c'est pas suivre les rumeurs. Abadan. Al-Ibra, c'est At-Ta'assi bi Nabina Muhammad alayhi salatu salam avec sabr wa du'a. Tout ça fondé sur une aqida solide. Et idnallah, la personne, il est à la khid. Qala. Qala. فنشبه حالنا بحالهم ونقيس أواخر الأمم بأولها فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين. C'est ça le but de Cheikh l'Islam. C'est de montrer aux musulmans à l'époque des Tatars, cette fitna qu'ils ont vécue, la relation de ce qu'ils vivent avec ce qu'il a vécu le prophète alayhi salatu wasalam. Et il va leur montrer que c'est la même chose. Il y a des choses qui sont différentes, bien sûr. L'iman du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, c'est pas le même iman que ceux qui sont venus après. Abadan. L'épreuve, Rabbana, elle est plus dure. Lakin, Cheikh l'Islam, il veut te montrer des relations, des choses, c'est les mêmes. Anta, t'essayes de ressembler à Ha'oula, avec Idnillah Azza wa Jal, t'auras le secours qu'ils ont eu. Allah subhanahu wa ta'ala, il les ansar. Les anahoum, ils avaient des caractéristiques, tawhid, du'a, sabr. Celui qui vient après eux et il a les mêmes caractéristiques, bi'idnillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il le ansar. Qala rahimahullah, kama qala ta'ala, lama qassa qissat Yusuf, mufassalatan wa ajmala qissas al-anbiya, thumma qala, laqad kana fi qassasihim, ibratun li ulil alba. Hada. Aïe, tout ce qui s'est passé aux Anbiya avant nous, Adam ou Nuh, jusqu'à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une ibra pour nous. C'est eux l'exemple. C'est une ibra, c'est une leçon en ta. Falihada, qira'at al-Qur'an, c'est muhim bit-tadabbur. Tu ne lis pas mujarrad une lecture et tu ne comprends pas. Là, si la personne il peut comprendre, il peut faire des recherches, il demande, il lit des kutub de tafsir, alors l'histoire, il y a une ibra azim. L'histoire d'Ibrahim, on en a déjà parlé dans une kalima avant. L'histoire de Moussa, alayhi salatu salam. L'histoire de Youssef, ibra azim. Il est en prison et il n'a rien fait, alayhi salatu salam. Lakin tastafid des fawaid azim, de patience et de tawakkul ala Allah. L'histoire de notre prophète Mohammed, alayhi salatu salam, qui va nous raconter sur l'islam, ou une partie, Ghazwat al-Khandaq, l'Ahzab. وهكذا هذا مهم أيها المسلم هذا مهم ففي هذه الأيام la personne la yambari il perd son temps بالقيل والقال tous les jours ils vont faire فلان il a dit ils ont préparé كذا فترك هذا فترك il n'y a aucune vaïda بل ça peut démotiver بعض الإخوان ça peut motiver démotiver un frère qui a une faiblesse au lieu de on parle pour pas grand chose. Maintenant, tu te rassembles avec un frère quand tu as le temps et tu lis Shay min al-Sira. Ou Shay min al-Qur'an. Bit-tadabbur. Tu lis maintenant Surat al-Ahzab. Il y a des fawaïd azim. Que tu vis en ce moment. Comment ils ont fait avec ce blocus? Tu vis un blocus là. Mais Fulan il a dit, Fulan il va faire. Khasatan, si tu rajoutes les coups de téléphone de l'extérieur, ça t'attab. T'attab, ton cœur il va durcir. Et si ton cœur est durci, c'est pas comme un frère qui y'atani bi dhikrillah, et y'atani bi le Coran, ou y'atani bi sirat al-salaf, tu vas le trouver, hada, son cœur il est prêt. Walaw hasal ma hasal. Son cœur il est prêt, bi idnillahi azza wa jal. Hada, c'est muhim. Et nahnu, c'est le but de lire hada. Hada le kalam. C'est ça le but. On s'en Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq. Qala Cheikh l'Islam. بعد هذه المقدمة الطيبة قال وأخبر سبحانه أن دأب الكافرين من المستأخرين كدأب الكافرين من المستقدمين أو من المتقدمين نعم من المستقدمين قال فينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه في عباده ودأب الأمم وعادتهم هذا مهم الآن هو يتمطق أن الموية لغز لمانيغانس دي كفار à l'époque أو maintenant c'est le même. شوف à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam حسار un blocus autour de Medina. Le prophète alayhi salatu wasalam il patiente, il creuse un khandaq. À l'époque de Cheikh l'Islam, même chose, un blocus autour de Dimashq. Ils ont fait un blocus à Dimashq en Syrie. Ils creusent un khandaq, ils patientent hatta ya'ti an-nasr. À notre époque l'an fitnat ha'ula ad-dullab, ils nous font un blocus bi ghayri haqq, on a creusé des khanadiq, des tranchées et on patiente. Le tariq, c'est la même chose. Al-A'da, Leur but, c'était de rayer de la carte Al-Madina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la da'wa, elle venait de cet endroit. La da'wa, elle venait de cet endroit. Enfin, le but, c'est de couper la da'wa dans son fief, dans son as. À l'époque de Cheikh l'Islam, la da'wa, elle était qawiyya fi Sham, dit-elle. La preuve, c'est que Tatars, ils sont venus de l'Asie et en quelques semaines, ils ont envahi l'Irak. Et là, la da'wa, elle n'était pas aussi forte que Hisham. Katrat al-bid'a wa al-ma'asi wa al-adou, il a pris le dessus très vite. Ils ont pris Bagdad, comme tu sais. Ils ont tué des milliers de personnes. Comment ils sont arrivés à Hisham, la da'wa, elle est qawiyya à cette époque, à l'époque de Cheikh l'Islam. Il y a Cheikh l'Islam et ses élèves. À notre époque, même ce chien, ils savent. Et vous savez très bien que Ha'oula al-A'da, ils sont poussés par l'extérieur, par des ennemis de l'islam, les Yahoud ou les Nasara. Ils savent très bien que via al makan, al-da'wa, elle est safiya et elle est qawiyya. Ils savent très bien. Dans al makan, tous les ans, des du'at ils sortent dans différents pays. Les doros ils sont propagés. Ils le savent très bien. Ça leur fait du mal d'idden. Enfin, ils emploient la même méthode qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'époque de l'islam. Et on essaye de les finir une bonne fois pour toutes, hatta cette da'wa elle est plus propagée. A'tabir, a'tabir. Là, n'écoute pas certaines rumeurs, Anna, c'est une histoire de montagne, ou c'est une histoire de entre tel pays et entre tel pays. Abadan, c'est une histoire de aqid. Haq, donc batil. Awliya al-shaytan contre awliya al-rahman. Hada, rien d'autre. Tout ce qu'ils essayent de faire croire l'âme, c'est un conflit entre les wahhabites, comme ils appellent les zaydites ou les chiites ou haoula, tout ça c'est du kadib. Là, c'est un conflit entre Ahl al-Haq et Ahl al-Batil. Entre Atba' Muhammad alayhi salatu salam et Atba' Iblis. Qala Cheikhul Islam. Wa tabayyana fiha, cette fitna avec Tatar. Wa tabayyana fiha الطائفة المنصورة الظاهرة على الدين الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. Ce genre de fitna الآن, ce genre de fitna qui est à l'époque du prophète sallam, qui est à l'époque des tatars qu'on vit aujourd'hui, il y a une hikma azima, c'est l'ibtila. Allah il éprouve. Abadan Allah subhanahu wa ta'ala, et la personne n'a pas le droit d'avoir un su'udhan billah azza wa jal, il donnera le secours aux kuffar, mushrikoun, qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, belles, qui insultent la femme, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre, il donnera la victoire à Ha'oula, contre ses serviteurs, ahl al-tawhid, ahl al-sunnah. Abadan. C'est un su'udhan billah. Lakin, c'est bab al-ibtila. باب الابتلاء. الله سبحانه وتعالى إذا خير ربما نحن لا نعلمه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله سبحانه وتعالى إذا إلوفي سو مكان إذا إلوفي سو طلاب إذا إلوفي سو شيخ شيخ هذا المكان. الله سبحانه وتعالى إلى الحكمة. كذلك ربما certaines personnes ne connaissent pas cette نعمة بإذن الله ils vont la voir aujourd'hui ou demain. بعض الناس ربما ils ont des شبهات. هذا هي حكمة عظيمة لكن الشخص يصبر تعلمون أن النعم souvent une نعمة souvent elle est précédée par le balwa souvent. كم من الناس يتعبون et à la fin ils voient النعمة. قال كذلك شيخ الإسلام يتمنطر أن مثل هذه المواقف ستمنطر أهل الحق الثابتين لأن en temps de paix et quand tout va bien tu trouves que les gens sont à la khayr. Quand ils sont secoués par ces fitans, ou à Zulzilou, qu'Allah Azza wa Jal, comme on va voir, Zulzilou, certains fitans, les mu'mines, ils tremblent, ils bougent, tellement que la fitna elle est dure. Fi hadha al-hal, tu différencies entre al-thabit wa ghayr al-thabit, entre al-qawi wa ghayr al-qawi, tu différencies entre sahib al-ilm et al-jahl. Fi mithla hadha. Et tu trouveras toujours sunnatullah subhanahu wa ta'ala fi qalqih, il y a une ta'ifa mansoura, il y a des personnes qui défendent le haq, et tu trouveras toujours al-makhadil, ashab al-khudlam. Ils font du mal à ahl al-haq. Il n'y a pas de nusra. Il y a des critiques qui sont mal placées. Comme ça y a-t-il fi hadhihi ar-risala. Qala Cheikh al-Islam, haythu tahazzabat an-nas. Talatata ahzab. Et ça c'est muhim. Chaque fitna entre le kuffar et le muslimin, chaque fitna entre le munafiqoun et le muslimoun, chaque fitna, les gens ils se divisent en trois. Qala hizb mujtahid fi nasr ad-din. Hizb Allah, at-ta'ifa al-mansura. Tu auras toujours un groupe qui défend le haqq. Toujours. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. À l'époque de Cheikh l'Islam, Cheikh l'Islam et ses élèves et les musulmans qui sont avec lui. Toujours هذا. Qala wa akhar khadil lah. Un deuxième groupe, il est khadil le premier. Al-khodlan ta'lamoun. C'est que la personne il peut secourir son frère et il ne le fait pas. C'est ça le khodlan. Toujours il trouve des excuses, mais si wa hakada. Sahab al-khodlan. On le vit, nahnu al-an. On le vit. بعض الناس au lieu d'appeler à Nusrat hadi dar, secourir leur frère, mais il va voir, il faut wa khodlan. À la fin, ni il a appelé au jihad, ni il a secouru ses frères, ni voilà, il se fait du mal à lui, faqat. Amma nous, on a Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas besoin de fulan ou allal. Celui qui aide, c'est pour lui. Amma nous, on n'attend pas l'aide de fulan. Voilà aussi, ça fait plaisir que ton frère il t'aide, il a arrêté. Lakin, hazbunallah, ni'mal wakil. Maza naf'al. Qala Cheikh l'Islam, wa akharun kharijun an shari'at l'Islam. T'as trois catégories. كما قال شيخ الإسلام مجتهد في نصر الدين المؤمنون font des efforts et ils secourent la religion. T'as un autre extrême, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui combattent la religion. Et t'as un groupe entre les deux, ashab al-khudlan. Ashab al-khudlan. Daiman. Fala tata'ajjab. La tata'ajjab. بعض الناس ils disent, mais pourquoi Fulan il parle pas, mais pourquoi Fulan? La tata'ajjab. Cheikh l'Islam il te montre que هذا c'est من قبل et c'est من بعد. قال وانقسم الناس ما بين مأجور ومعذور كذلك c'est مهم هذا في الحروب dans les guerres, dans les fitan avec les kuffar, avec les munafiqin كذلك المؤمنون la première taïfa qui nous a cité أهل الحق ceux qui combattent pour la vérité et qui secourent la vérité ils se divisent en deux مأجور ومعذور des personnes qui sont récompensées ils font des efforts et des personnes qui sont excusées frère il est malade un frère il peut pas il est excusé عند الله سبحانه وتعالى هذا il fait les efforts qu'il peut, il dua. S'il peut travailler, il peut creuser, il creuse. Il aide. Il peut aider à la cuisine, il peut aider à soigner les blessés. Il est ma'zour, s'il ne peut pas combattre. Et l'idnillah, il est à la khayr. L'essentiel, c'est qu'il secourt Ahl al-Haq. Ta'lamoun al-Nafijay, j'ai le musulman. Quand il y a une guerre, l'armée des musulmans, c'est pas tous des combattants. Hein, t'as le combattant, t'as le courageux, t'as le cuisinier, t'as celui qui soigne, t'as celui qui rassure, t'as celui qui... Hakada. Tu ne trouveras pas tout le monde au front. Abadan. Abadan. Hakada. Cheikh l'Islam, il te montre là. Warubama, il a fait cette précision pour ne pas croire avoir un saut au ventre sur certains frères. Il combat pas. Rubama, il a une excuse. La personne là, il se dit bi ikhwanihi abadan. S'il a quelque chose à dire, il y a il réconforte. On n'est pas tous au même niveau, ya jama'a. Pas tous au même niveau. Les ikhwan, Rubama, ils ont des faiblesses dans certaines choses. Haoula, il faut de la inaya. Haoula, un sourire, une phrase, Rubama. Rubama, tu le rassures du tel. Hada, c'est mohim. Qala, wa akharu qad gharrahu billahi al-gharur. Ça, c'est un autre groupe, wal'ayadu billah. Ha, c'est les proies de Iblis. Gharrahu shaitan. Imma bikatra. Imma, ils pensent que c'est les armes qu'ils ont fait. Ou c'est le nombre. Ou c'est la force. Hada, l'insan yantabih. L'insan yantabih. Al-Nusra. Ce groupe qui nous a cité Cheikh l'Islam. Yatawakkaloun ala Allah. Ils placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils savent que eux, c'est qu'un sabab. Allah, il ansar Moussa avec un coup de bâton, faqat. Il ansar avec un coup de bâton. La mer elle s'est ouverte, ils sont passés. Pharaon et son armée ils sont venus, ils ont été noyés. Un coup de bâton. C'est un ansar de min indillah, azza wa jal. Haqiqa, toi l'an, tu mets un coup de bâton dans la mer, ça va rien faire. Lianna Moussa, c'est Allah qui a voulu l'ansar bihada. Bihada. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ghazwat al-Khandaq, ils n'ont pas combattu. Kadalik, ça c'est mohim. Ne crois pas que le nasr il est lié toujours avec le combat. Abadan. Allah il peut te nasr et tu ne combats pas. Allah il peut te nasr et tu ne tires pas une balle. Là, t'attends, plus tu tires des balles, plus le nasr il va venir. C'est un khata. C'est un khata. Le nasr il est mis indillah. Enfin, c'est pour ça que si tu places ta confiance en Allah, tu patients, tu combats. Allah il te nasr, ni'ma. Tu ne combats pas, Allah il te nasr, ni'ma. L'essentiel c'est la victoire. Hada, c'est mohim. Qala Cheikh l'Islam. وكان هذا الامتحان تمييزا من الله وتقسيما فاس مهم cette fitna qu'ils ont vécu avec les tatars comme on a dit ça a permis de de voir qui c'est qui a al-haq de celui qui n'est pas al-haq. Tamyiz, tamyiz, ça fait de la, ça fait du nettoyage, du sauvouf. Qala Cheikh al-Islam, qala Allah Ta'ala liyaziya Allah as-sadiqina bi sidqihim wa yu'adhdhiba al-munafiqina in sha'a wa yatuba 'alayhim inna Allah kana ghafuran rahim. Allah il va récompenser des personnes, ses serviteurs, les sincères. Il va châtier des autres et il va pardonner à des autres. Hikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fait tout, akhi al-karim, pour être min ha'oula al-akhiyar al-mukhlisin. Quand tu fais des efforts pour être de ta'if al-mansoura, de ahl al-haq, ceux qui combattent lillahi azza wa jalla. Tout ma qal, j'irai l'islam. Wa kanat, au résumé, al-an, il va citer un bref aperçu des batailles du prophète alayhi salam. Hatta huwa, son but c'est d'arriver à Ghazwat al-Ahzab. Le blocus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu. Qajir al-Islam, wa kanat ghazwat badr awwal ghazwat dhahara fiha al-muslimun ala sanadid al-kuffar. Première épreuve, en première bataille, il y a eu des épreuves avant hada, lakin une épreuve, le combat avec le kuffar directement, c'est Ghazwat Badr. C'est la première à l'époque du prophète alayhi salam. Qala wa qatala Allah ashrafahum wa asara ru'asa'ahum ma'a qillati al-muslimin wa dha'fihim fa innahum kanu 300, ils étaient musulmans. Qala 319, 300 et une dizaine. 310, 315, en dessous de 320. Qala laysa ma'ahum illa farasan, deux cavaliers faqat. Ces 300, ta'ammal, ces 300, il y a deux chevaux faqat, deux cavaliers, deux sahabis qui sont sur des chevaux faqat. Les 300 autres, qala Cheikh al-Islam wa kana ya'taqib al-ithnan wa al-thalatha 'ala al-ba'ir al-wahid. Ça te montre l'ithar. 300, il y en a deux qui ont des chevaux, deux cavaliers. Tout le reste, ils sont à deux, trois ou plus, ils ont un chameau. Hada il monte, hada il descend, hada il monte, hada il descend. Itha. Ça montre, akhil gari, anabi hadhi al-ayyam, ta'awun c'est matloub. Ta'awun c'est matloub. Antarubama t'as une chose que ton frère il a pas, si toi tu t'en sers plus, ou tu peux pas, ou t'es fatigué, ou t'es malade, fatigue ton frère, vi hada. Hada c'est mohim. As-sahaba ils l'ont fait, radiyallahu anhum. وكان عدوهم بقدرهم أكثر من ثلاث مرات في قوة وعدة وهيئة وخيلاء. الأعداء ils étaient trois fois plus. Ça te montre أن النصر il est pas بالعدد, il est pas بالسلاح أو les montures أو أبدا. هؤلاء الآن ils ont ربما des centaines de chevaux, ils ont des milliers de chameaux, ils ont de la nourriture, ils viennent pour combattre. Ar-Rasoul, ils sont 300. Et le Cheikh l'Islam, il t'a cité les moyens. Deux chevaux, quelques chameaux. Ma'a hada, as-sahaba, Rasulullah as-sahaba, ils ont le dessus. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala, les ansar. Qala falamma kana min al-aam al-muqbil, ghaza al-kuffar al-madina. Deuxième année. L'année d'après, al-muslimoun, ils ont le dessus, c'est Badr. L'année d'après, Allah, il les réprouve. Uhud. Ça te montre anna les fitna ala al-muslimin, ça vient toujours. La personne yasbir. La yambari bi hada al-hal, la personne mathalan yaqul, ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend. Yasbir. Yasbir. Allah subhanahu wa ta'ala il t'éprouve. Yasbir est une bonne niya, husnul dhan billah. Allah subhanahu wa ta'ala il veut t'élever. Profite-en, bonne niya. Dès que ça vient, patiente. Dès que ça part, alhamdulillah. Wa shukur Allah subhanahu wa ta'ala. Chouvaoula. Badr, l'année d'après, Uhud. Ça va continuer jusqu'à Al-Khandaq, jusqu'à Fath Makka, jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque année, une ghazwa ou akthar. Bal, comme ça y a été ghazwa Al-Khandaq, ils ont fini la ghazwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait se laver. Il voulait enlever ses vêtements de la guerre, il a akhiré. Jibril est venu. Il lui a dit, ya Muhammad, amma nahnu, ay al malaika, on n'a pas fini. Thumma ils ont ordonné le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khaybar, ay les Yahoud qui ont aidé al mushrikoun. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est pas lavé. Il a repris les armes, ghazwat khaybar. Hada ibtila min Allah, sabr. La personne yasbir. قال فلما كان من العام المقبل غزا الكفار المدينة وفيها النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في نحو من ربع الكفار أنكار سيامين المسلمين يا كتم الكفار أحد زيتت بوكو بلس لكن هؤلاء الأخيار إذا في جو الصبر جدا Et tout ça, c'était fondé sur une aqida matine, qawiyya. Thumma qal, kama anna nasr Allah, ou kama anna nasr Allah lil muslimin yawma badr kana rahmatan wa ni'matan, wa hazimatuhum yawma uhud kana ni'matan wa rahmatan ala al-mu'minin, fa inna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, la yaqdi Allah lil mu'min qadaan, إلا كان خيرا وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء فشكر الله كان خيرا له إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له يتمدخ الآن أن يوم بدر إذن إلى فيكتور سيتان غران خير pour الأمة يوم أحد il s'est passé ce qui s'est passé تعلمون أن الكفار إذن في التور certains مسلمون إذن cru que c'était fini ils sont descendus ثم Ils sont venus par cette brèche et ils ont attaqué les musulmans. Il y a eu des dizaines de morts, mais les sahaba. Mais à ça, Cheikh l'Islam cite le hadith, dans les deux cas c'est du khayr. Ils ont eu la victoire, c'est du khayr. Ils ont vu une nasr de leurs yeux. L'Islam, il a pris de l'ampleur jiddan après Badr. Les morts qui ont eu Uhud, haqiqa c'est un khayr. Ceux qui sont morts, idnallah, c'est des shuhada. Allez, à ça, Cheikh l'Islam, il te montre qu'il y a le mu'min via tel hal. حال الجهاد contre كفار il est à la khayr si t'as la victoire أخي t'es à la khayr tu verras de tes yeux la force de l'islam sur le kufr ou le shirk si c'est l'autre la personne y meurt بإذن الله الشهادة c'est un fadl عظيم جدا allez هذا t'es à la khayr انت الآن ce que tu vis t'es à la khayr احسن الظن بالله احسن الظن بالله عز وجل فقط bonne نية Apprends ta aqida tant que tu peux. Fais les efforts que tu peux. Dans l'aide, dans le hirasa. Et t'es à la khayr. Si, bi'idnillah, tu vois la victoire avec tes yeux. Bi'idnillah, yahmadillah, c'est une ni'ma min Allah. Si t'arrive quelque chose, que ça soit une blessure, ou akthar min dalik, la mort, t'es à la khayr. Haqiqa, t'es à la khayr dans tout tes ahwal. Li anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité le hadith, la yaqdi la lil-mu'min qada'in illa kana khayran. خيرا كل شيء اللي يجيبه مسلم سيجو خير خاصة في هذه الأحوال خاصة في هذه الأحوال فحسن الظن بالله يا جماعة سي مهم لا بيرسون يباسيونتي على خير والله بعض الناس الآن يسون في ضلال مبين من المسلمين بعضهم ربما إلى دون إن سكت غاري ربما بعضهم يسون دون معاصي سي بلو كوافير وبعضهم يسون في الربا وبعضهم يفيفو ميليو دي كفار يلو فون دو مال يبو ريان فير انت تي في خير Wallahi, cette ni'ma qu'on vit, si les gens ils sauraient, wallahi, ils feraient tout pour la vivre. Lakin akhtar al-nas la ya'lamoun. Fa profite-en, anta. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a choisi, fil haqiqa. Kamin al-nas, ils vivent des petites fitaines. Son fils, il ne sait plus comment faire. Wallahi, ses enfants, ma yadri, comment, il ne sait plus comment où aller. Anta te fi khay. Hirasa, ilm, tu combats a'da Allah subhanahu wa ta'ala, li ajli d-din. الله ce qui arrivera c'est بقدر الله عز وجل قال وكان بعد احد باكثر من سنه وقيل بسنتين قد ابتلي المسلمون عام الخندق انا احد او 2 ans الخندق بلوكوس شوف la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre jihad ibada et da'wa c'est ça sa vie alayhi sallallahu alayhi wa sallam jihad da'wa ibada et il avance alayhi sallallahu alayhi wa sallam الله سبحانه وتعالى إلى بخصونا فهكذا أنت عبادة كنت دعوة كنت جهاد وهكذا et tu néglige pas le quand il y a le jihad ça veut pas dire qu'on fait plus d'ibada il n'y a plus d'ilm abadan t'as une demi-heure une heure dans la journée profite-en prends ton din قال شيخ الإسلام وكان بعد أحد بأكثر من سنة وقيل بسنتين قد ابتلي المسلمون عام الخندق كذلك في هذا العام ابتلي المؤمنون بعدوهم كنحو ما ابتلي المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق وهي غزوة الأحزاب شيخ الإسلام يكمبار كذلك ستاني شيخ الإسلام ils ont été éprouvés par التتار ونحن كذلك في هذه الأيام on est éprouvés par الحوثي الرافضي الهالك. قال: التي أنزل الله فيها سورة الأحزاب ستبتي الخندق الله سبحانه وتعالى إلى غيبه صلى الله عليه وسلم سورة الأحزاب سورة عظيمة. قال: وهي سورة تضمنت ذكر هذه الغزاة التي نصر الله فيها عبده صلى الله عليه وسلم وأعز فيها جنده المؤمنين وهزم الأحزاب الذين تحزبوا عليه وحده بغير قتال بل بثبات المؤمنين بإزاء عدوهم. حسن فائدة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى لغا لدوني لدسو سان كومباتر بيزو با كومباتر يبان خندق entre eux. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى كخوز الخندق خندق متخنشي derrière النبي عليه الصلاة والسلام المدينة يبان دي مونتاني الكفار يبان فا بني ساسا تمنطر سياسة الحرب. Ça, c'est une faïda azima pour le hurub. Daïman, le musulman, il se protège. Daïman. Khandak en face, le kafir, il ne peut pas avancer. Et derrière la montagne. La montagne. Des musulmans, ils sont placés au-dessus de la montagne, personne ne peut venir. Khalas, ils sont protégés. Bi'idnillah azza wa jalla. Tout une longue attente. Le blocus, il a duré un mois. Tout le monde, sans combattre. Sans combattre. Fa anta ahyana nahnu vi hada. Que dans ton matras, t'attends. Ne crois pas qu'en attendant, tu n'auras pas le Nasr. Abadan. Abadan. Là, si l'ennemi yaqrub, c'est il se fait que du mal. S'il approche. S'il reste dans son coin, c'est la patience qui fera la différence. Khassatan avec les épreuves min bird wa jou'. Et c'est ce qui arrive à Al-Khandaq. C'est ça qui va faire la différence. Faliyad, anta stop patience l'an. Quand tu es dans ton matras et t'attends, en haqiqa, c'est ça le jihad l'an. Là, tu fais jihad azim. Lianna ton ennemi kadhalik il attend. Qui c'est qui va patienter? C'est pour ça que ne t'étonne pas au bout de deux semaines il y a des demandes de sulh. Ne patiente pas. Patiente pas. Homme. Patiente pas. Le froid, la faim, il attend une semaine, deux semaines, trois semaines, il fera tout pour avoir un sulh. Haqiqa, c'est ça le nasr. T'as le dessus. T'as le dessus. Le sulh, il vient, c'est toi le vainqueur. Le sulh, il vient pas, continue à patienter. L'ennemi ne tiendra pas. Abadan. Haqiqa, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque de Cheikh l'Islam. Haqiqa. Tout ma qal. رحمه الله قال فإذا تبين بعض معنى المؤمن والمنافق tout ça نحن on a passé on a résumé il a cité al mu'min ses caractéristiques et le munafiq il a appuyé beaucoup sur le munafiq ثم يقول فإذا تبين بعض معنى المؤمن والمنافق المؤمن واضح عقيدة صحيحة يؤمن بالله et il combat pour الدين المنافق في أبغة الإسلام في حقيقة سنكافر سي كومبا سي بوان بروفي اي المنافق يلاتو اسكو المسلم يلغى الدسو او الكافر سلوي كالدسو يرجوان سلوي كالدسو هذا المنافق قال فإذا قرأ الإنسان سورة الأحزاب وعرف من المنقولات في الحديث والتفسير والفقه والمغازي كيف كانت صفة الواقع التي نزل بها القرآن ثم اعتبر هذه الحادثة بتلك وجد مصداق ما ذكرنا et c'est ça نحن le but الآن c'est de comparer ce qui s'est passé sur Sourate l'Ahzab avec ce qu'il a vécu chez l'Islam avec ce qu'on vit الآن et بإذن الله tu liras cette Sourate الآن Sourate l'Ahzab ça sera plus la même chose لأن la lecture du tadabbur c'est pas comme une lecture une personne qui rafle il lit هكذا il sait pas ce qu'il dit قال شيخ الإسلام وأن الناس انقسموا في هذه الحادثة إلى الأقسام الثلاث كما انقسموا في تلك à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم vous vous rappelez les trois catégories qu'on a données مؤمن qui combat pour Allah عز وجل ennemi d'Allah qui combat contre la religion et entre les deux Sourate l'Ahzab il y a eu ces trois catégories le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons كفار قريش والعرب واليهود et entre les deux المنافق Il est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il vit al-Madina, lakin c'est un kafir. Il attend qu'il s'écale dessus. Qala, kadhalik, ces trois aqsam, tu les trouves, fi zaman Cheikh l'Islam Taymi. Wala shak wala raib, ana ces trois aqsam, tu les trouveras à Lyon. S'ils étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma balouk Lyon. Qala, كما انقسم في تلك وتبين له كثير من المتشابهات. افتتح الله الصورة بقوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. Ça c'est le début de sourate l'Ahzab. À partir de là, sur l'islam, الآن il va lire sourate l'Ahzab et il va te donner des leçons à tirer, des فوائد عظيمة. قال وذكر في أثنائها قوله: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين. Première leçon: أولا أيها المسلم, ne suis pas et n'obéis pas le kuffar ou le munafiq. Abad. هذا لهذا الله سبحانه وتعالى il a commencé, il a débuté cette sourate par هذا. يا أيها النبي اتق الله. Tu places ta confiance en Allah. ولا تطع الكافرين والمنافق. Abad. لأن هؤلاء des ennemis d'Allah. Comment tu vas les suivre? قالت ثم قال: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا الله سبحانه وتعالى الآن يمونتخ سون بروفيت. إي لو بروفيت صلى الله عليه وسلم يبقى إيديوكي سي صحابة على هذا. On obéit pas aux kuffar. On obéit pas aux munafiqun. On place notre confiance en Allah et on suit le Coran et la Sunna. واتبع ما يوحى إليك. القرآن والسنة. قال وقال من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله. كذلك تسي أن الله سبحانه وتعالى إلي خبير. تسي. Il connaît ta situation, il connaît la situation de ton ennemi. Place ta confiance en Allah. Place ta confiance en Allah. Et écarte-toi des rumeurs. Ce qui fait beaucoup de mal, يا جماعة في مثل هذه الفتن, c'est les rumeurs. C'est les rumeurs. هذا. لأن كثرة القيل والقال, ça fait baisser le tawakkul de la personne. Ils ont fait ça, ils se sont rassemblés, ils ont... Mais Akhi, t'es en guerre. Tu crois qu'il va te regarder et il va rien faire. Anta, tu te prépares ou il se prépare. Tawakkul ala Allah, c'est ça qui fait la différence. T'as des préparations, il a des préparations. T'as des matériaux, il a des matériaux. T'as des armes, il a des armes. T'as creusé des tranchées, il a creusé des tranchées. C'est la même chose. T'es un être humain, c'est un être humain. C'est quoi qui va faire la différence? C'est le tawakkul ala Allah. Lui, il va tout miser sur ses armes, sur le nombre, sur les tranchées, lui il mise tout sur ça. Anta, ta confiance c'est en Allah. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec ou sans ces choses, il va t'en sortir. Et t'as la certitude que t'auras le dessus. Bi'idnillah azza wa jalla. Qala fa amara bi ittiba' ma awha ilayhi min al-kitab wal-hikma allati hiya sunnatuhu wa bi an yatawakkal 'ala Allah fa bil ula yuhaqqiq qawluhu iyyaka na'bud. الآن في الغلاسيون في سورة الفاتحة كل يوم تغسل إياك نعبد أي نبلي با أن من أعظم العبادات التوكل على الله. فكنت تغسل في الفاتحة إياك نعبد تنصو التوكل سين عبادة عظيمة. قال وبالثانية يحقق قوله إياك نستعين. كذلك أن الاستعانة لله كنت توكل تدمض الله سبحانه وتعالى الدعاء. Et tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va nsar al-mu'min. Iyaka na'abud, et on adore que toi, ya Allah azza wa jal, wa iyaka nasta'in. On sait que la victoire, et on sait que tout, c'est bil qadr. Parce que Allah il a écrit, al-muslim yastassir. Qala, wa mitlu dhali qawluhu fa'abudhu wa tawakkal alayhi, wa qawluhu alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. نعم يمونتخ لامبورتونس دو توكل. وهذا وان كان مامورا به في جميع الدين فان ذلك في الجهاد اوكد لانه يحتاج الى ان يجاهد الكفار والمنافقين وذلك لا يتم الا بتاييد قوي من الله. شيخ الاسلام يمونتخ لنا سي شوز في الحقيقه من توكل وصبر ودعاء. Tout ça, tu as besoin tous les jours, Anda. Dans toute ta vie, jihad ou pas. Lakin fil jihad, akthar. Lana fil jihad, t'as un ennemi, wadih, il te combat. Ce qui fera la différence, c'est ce qu'il a cité, cher l'islam. Wa dhalika la yatim illa bita'id qawi min Allah. Celui que Allah va nsar, il aura le dessus. Fa anta, tu sais, anna nasr, il y a des asbab. La victoire, elle a des causes, on avait fait une kalima. Oui, hada. Et parmi a'azam l'asbab, أسباب النصر سيء الدعاء بوك الدعاء كذلك الإخلاص كذلك الصبر كذلك التوكل كذلك بخوض الأسباب. Tout ça, si t'as ces choses réunies, t'as les causes du nasr. Allah yansuruk, fa aucun ennemi pourra avoir le dessus. Abadan. Laisse-les se rassembler comme ils veulent. Laisse-les avoir les armes qu'ils veulent. Laisse-les menacer comme ils veulent. T'auras le nasr. Anta subir, wa tibut faqat. Et attends. Al-nasr il est qarib. شيخ الإسلام بعد ذلك قال وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. Il donne des exemples. قول موسى واستعينوا بالله واصبروا. هذا المجاهد il doit avoir ses akhlaq, ses caractéristiques. Al-isti'ana billah. دائما. Il est dans son matrasi في الدعاء. اللهم انصرنا. Chez lui, il fait le dua, il fait le dua. Kadhalik, as-sabr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éprouve. Rubbama va t'éprouver une, deux, trois, quatre semaines. Rubbama un, deux, trois, quatre mois. Ou akthar. Fasta'in billah, as-sabr. As-sabr. Plus ça dure, plus t'es ma'jour. Bi'idni Allah azza wa jalla. Qala wa lihada kana al-jihad. موجبا للهداية التي هي محيطة بأبواب العلم كما دل عليه قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يتموت كذلك أن الجهاد من أسباب الهداية وهذه نغفل عنها كثير. أن الجهاد من أسباب الهداية سلوك مخلص سلوك كومبا لله عز وجل سندكوز كسوى قيدي بإذن الله. ثم قال فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى تجده بإذن الله لأنك تكون لإعلاء كلمة الله. قال وفي الجهاد أيضا حقيقة الزهد في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا وفيه أيضا حقيقة الإخلاص. فإن الكلام في من جاهد في سبيل الله لا في سبيل الرياسة. هذا شيء مهم. يتمدخل الآن أن الجهاد عبادة. عبادة. Tu fais pas ça pour ton nefs, مجرد ton nefs, ou مجرد المال, ou pour une terre, فقط. Là, tu fais ça pour الدين. Tu fais ça pour الدين الله عز وجل, que الدين il soit au-dessus. قال, ولا في سبيل الحمية. الحمية, c'est les passions. La personne, il veut se venger, c'est une vengeance personnelle. نعوذ بالله. نعوذ بالله. Si le قوم, ils font التوبه, tu les combats plus. Fa'amman. Matalan al-Houdi, il fait tawba, il revient à Sunna. C'est notre frère, on ne le combat plus. Si la personne, il combat pour l'Hamiya, même s'il fait tawba, il voudra se venger. Celui qui combat pour Din, il le combat parce que c'est un ennemi d'Allah, c'est un cadre. S'il fait tawba, c'est notre frère. Hada. Qala, wa hada la yakun illa liman qatala li yakun al-Din kulluhu lillah. ولتكن كلمة الله هي العليا وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال للمعبود. Ça c'est le plus haut rang de l'ikhlas. تسليم, la personne donne ses biens et son nefs لله. Ça c'est حال من حال المجاهد. Son nefs. ربما il va dans des endroits, ربما il avance, il peut se faire tuer. لكن tout ça لله. Ça montre un ikhlas قوي. كذلك المال. لأن المال لا بيرسون يلام المال وتحبون المال حبا جما هكذا الإنسان إلى تكخي son نفس إلى من المال. فune personne qui est prêt à donner son nefs et à donner son argent في سبيل الله ça montre qu'il a un haut niveau في الإخلاص. نسأل الله عز وجل التوفيق. قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذا يسأبيه شخص دليل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. حقيقة سنتجارة سنتجارة عظيمة. الله سبحانه وتعالى يتأشتي اشترى ton nefs et ton mal. La récompense c'est quoi? Al-Jannah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il est ghani, il n'a pas besoin. Et demain, bi'idnillah, nakmil. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.